braquer la piste, je ne braque pas de banque. Je prends juste pour cacher en moins de 10 secondes. C'est vrai, c'est la suite, mon vient pas stopper. Un peu plus de l'OV, c'est la même qu'avant. On a pris des risques, on n'a pas stoppé. Dit à nos ennemis qu'on a pris de Mais vous êtes où? Finis ce doigt-là. Mais vous êtes où? Madinina Bada. Mais vous êtes où? Libreville et Dakar. Mais vous êtes où? Moroni Conakry.